Elle est touchante, cette parole de l'Évangile que nous venons d'entendre. Cette proximité de Jésus, de la souffrance de cette veuve qui emmène en terre son fils unique. Elle est touchante, cette proximité de Jésus, parce qu'elle est encore plus profonde que celle des prophètes. Entre la première lecture et l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons ce parallèle, deux histoires qui se ressemblent de manière très grande. Il s'agit de deux veuves qui perdent leur enfant unique. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Élie. Le prophète Élie qui est accueilli chez cette veuve, la veuve de Sarepta, chez qui il a déjà réalisé même un miracle, cette jarre d'huile qui ne va jamais se vider et cette autre jarre de farine qui ne va jamais se vider et qui vont permettre dans le temps de la famine à cette femme et son fils de survivre alors qu'ils n'avaient plus rien. Mais voilà que après ce miracle, cette femme vient à perdre son fils. Alors elle interpelle le prophète. Est-ce que c'est pour venir révéler mes péchés que tu es chez moi ? Et Élie est comme mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve. Et il va intercéder pour elle. Il va jouer son rôle de prophète, c'est-à-dire intercéder pour cette femme devant Dieu. Il va prendre l'enfant et prier sur lui. « Seigneur, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » On a là une description du rôle du prophète. Il vient réaliser par sa prière l'action de Dieu dans la vie du peuple, quoi. Et le prophète ne fait pas seulement réaliser et accomplir cette parole dans la vie du peuple, il vit aussi ça dans sa vie personnelle. Les prophètes sont intimement liés à la vie que mène le peuple dans sa relation à Dieu. Les prophètes vivent dans leur vie personnelle même les déboires du peuple. Ainsi, Osée va avoir une vie conjugale houleuse à l'image de la relation du peuple d'Israël avec son Dieu. De même que Israël se prostitue avec d'autres divinités et ne reste pas fidèle au Dieu unique, de même la femme d'Osée va se prostituer avec d'autres hommes. Ou encore, le prophète est Ézéchiel, qui va perdre son épouse. Il va vivre lui-même le veuvage comme Dieu qui va perdre son peuple lorsqu'il partira et qu'il sera contraint à l'exil en Babylone. Nous voyons donc que les prophètes sont des hommes qui sont intimement liés à la vie du peuple dans leur vie personnelle, leur vie conjugale même. Mais ce qui nous touche dans la figure de Jésus, c'est que cela va encore plus loin. C'est que cela va encore beaucoup plus loin. Jésus n'est pas atteint dans sa vie personnelle par la souffrance de cette veuve. Il est atteint dans son cœur. Il est atteint dans sa propre intimité. Et il n'a besoin de personne pour lui dire qu'il doit faire quelque chose et intercéder pour cette femme. Cela jaillit de lui. L'intervention du Christ jaillit de son cœur, du sentiment qu'il ressent au moment où il voit ce cortège innombrable, très grand apparemment, une grande foule est là, et il est touché par la situation de cette femme qui emmène son fils unique au tombeau. Cela vient résonner en lui. Frères et sœurs, quelle est belle cette parole, parce que nous touchons là au cœur de Jésus. Nous touchons là au sentiment qui habite le cœur de Jésus. Et ce cœur qui a été comme déjà une première fois transpercé par cette situation va l'être encore à la rencontre des lépreux, des boiteux, des foules qui sont perdues, sans berger, de ceux qui ne savent pas où aller, à la rencontre de ceux qui vont le trahir, à la rencontre de ceux qui vont même le mettre en croix, ce cœur ne va cesser d'être transpercé jusqu'au moment où sur la croix, il sera réellement transpercé par le coup de lance. Mais intérieurement, déjà, le cœur de Jésus est blessé d'amour. Frères et sœurs, quelle grâce nous avons de connaître ce sacré cœur de Jésus, blessé d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Quelle chance nous avons. Quelle grâce nous est faite de ce que le cœur de Jésus se laisse atteindre par nos propres vies, par nos propres existences, par nos propres douleurs, souffrances, parce que nous vivons, tout ce que nous vivons, tout ce qui fait nos joies et nos peines. Le Seigneur Jésus, eh bien, se laisse atteindre par tout cela. Quelle chance nous avons de le savoir et de le croire. Telle est notre foi. Jésus se laisse émouvoir. Et c'est beau de voir ce cœur qui se laisse attendrir sans cesse, sans cesse, sans cesse, par tant de situations qui pourraient le rendre dur. Ce qui me touche particulièrement dans cet évangile, c'est de voir que ce cœur de Jésus reste tendre, il reste doux et humble. Alors que Jésus vit au milieu de l'hostilité, les grands prêtres, les pharisiens, les scribes, on lui tend des pièges partout. Et Jésus ne se durcit pas. Il garde un cœur doux et humble. Il garde un cœur blessé, touché par ce que vivent ses frères et sœurs en humanité. C'est un beau modèle pour nous, frères et sœurs, de nous savoir déjà nous-mêmes plongés dans le cœur de Jésus blessé. Et de savoir que comme disciples du cœur de Jésus, nous sommes appelés, nous aussi, à garder cette tendresse de cœur, cette douceur de cœur, de renoncer au durcissement, de continuer à nous laisser toucher et atteindre. Oui, c'est une grâce. Et nous savons que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parfois, nous nous laissons comme durcir, encarapasser, protéger, parce que nous n'osons plus nous laisser atteindre par nos émotions. Nous les coupons. Il y a différentes manières de couper ces émotions. Parfois, on va parler, on va discuter, on va jaser. On va tenter d'expliquer la situation. Ah oui, c'est bien triste, cette pauvre veuve qui emmène son fils unique. Comment elle va faire pour survivre? Et pendant qu'on parle, on ne fait rien. Et on évite de se laisser trop toucher. On fait la même chose avec les itinérants qu'on croise dans la rue. Toujours un peu gênant de se faire demander de l'argent en pleine rue. Alors on explique, non, ben, je ne vais pas leur donner. Attends, et de toute façon, il va tout boire en alcool. On explique. On explique comme pour ne pas se laisser atteindre, ne pas se laisser rejoindre jusqu'au bout. Ou bien par la peur, on va bloquer l'émotion qui jaillit en nous, le sentiment. Tous ces réfugiés syriens quand même. Et puis après tout, ils ne sont pas chrétiens tous. Et puis on commence par voir qu'ils sont plutôt musulmans, qu'on a peur des musulmans. Alors on ne se laisse plus atteindre par ce qu'ils vivent. Ça arrive beaucoup dans notre existence de ne plus nous laisser toucher. Et on a des tas de mécanismes pour nous protéger. Or, ce n'est pas en nous protégeant que nous pouvons réellement être libres. Ce qui est beau et qui permet à Jésus de à la fois être sensible à son cœur, à ce qu'il ressent, et en même temps continuer à vivre sa mission, c'est qu'il intègre. Il intègre ce qu'il ressent pour, avec cela, poser un acte de liberté. Jésus se laisse toucher par la souffrance de cette veuve et il se laisse même alimenter par la souffrance de cette veuve pour accomplir sa mission, son objectif. L'acte de liberté qu'il pose, c'est de rendre la vie. Et c'est l'objectif de toute sa vie. Le Christ est venu pour donner la vie. Saint Jean nous dit, le Christ transmet cette parole, « Je suis venu pour donner la vie et la donner en abondance. » C'est la mission de Jésus. Eh bien, il intègre le sentiment qu'il éprouve dans sa mission, dans le projet qu'il donne à toute son existence. Voilà ce qui fait qu'il ne se durcit pas. Voilà ce qui fait qu'il est capable de continuer à avancer et de continuer à accueillir encore ses sentiments. Frères et sœurs, demandons cette grâce, nous aussi, d'intégrer ce que nous ressentons dans les actes de liberté que nous posons, les projets de vie que nous portons. Parfois, nous menons des projets de vie qui sont incohérents avec ce que nous ressentons. On se laisse toucher par le Christ, on se laisse toucher par ce que vit le monde, et dans notre vie professionnelle, on va agir comme des requins. En fait, ça nous fait mal de faire ça. On est incohérent entre ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Et c'est comme si on était de plus en plus écarté, écartelé même. Le Seigneur Jésus nous montre un autre chemin, celui de l'intégration. J'accueille ce que je ressens, je pose un acte de liberté avec ce que je vis. Et nous remarquons que Jésus a là simplement posé un acte. Il n'est pas allé sauver toutes les veuves, il n'est pas allé prêcher à toute la ville, il a posé un acte, un seul. Il a dû renoncer à tous les autres, il en a choisi un. Se laisser toucher, ce n'est pas sauver l'humanité d'un coup. C'est commencer par un pas qui est à ma portée. Or Jésus, ce qui est à sa portée, c'est de donner la vie. Forcément, c'est un peu plus puissant que nous. Mais nous, nous pouvons aussi donner la vie d'une autre manière, à notre mesure. Demandons cette grâce, frères et sœurs, de nous laisser atteindre, d'être des disciples du cœur de Jésus, de nous laisser toucher en profondeur comme Jésus se laisse atteindre, sans peur, sans discussion, mais avec humilité.